de la capitale. Il n'y reste que les empreintes de ce coup de poing fatal. À nouveau un frère se meurt d'avoir rêvé à mon meilleur. À nouveau un frère se meurt d'avoir rêvé. C'est toi que j'ai vu ce matin dans le miroir. La nouvelle s'est si vite révélée.